L'histoire d'initiation du cégep de Jonquière a fait parler beaucoup, beaucoup au cours des dernières heures dans la région. Et pourquoi j'avais hâte de parler avec Pascal? Parce que pour les gens qui l'ignorent, Pascal est directeur d'école dans la région de Québec. Donc, il peut facilement se mettre dans la position des directeurs et de la direction du cégep de Jonquière. Et également, il est coach de football. Donc, il sait très bien l'initiation. Il sait comment ça marche. Il sait comment ça peut être important quelque part pour les jeunes. Salut, Pascal! Pascal? Oui, Danny, je suis là. Oui, OK. Pascal, on va commencer à parler des Alouettes par commencer. Mais avant de parler d'initiation, ça a fait parler beaucoup. On va revenir sur la victoire à Calgary la semaine passée. Quel match de football! Et j'ai l'impression que ça va unir cette équipe-là jusqu'à la fin de la saison. Ben, je suis d'accord avec toi, Danny. C'est le plus important dans cette victoire-là, n'est pas simplement la victoire, mais surtout de la façon que les Alouettes ont gagné. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est qu'on était en mesure de jouer avec beaucoup de caractère, de revenir de l'arrière, pas juste de revenir de l'arrière dans le match, mais à la fin du match, et on a dû demander la contribution d'une unité spéciale. Puis, tu le sais, Danny, si on prend les statistiques des bottes et cours, là, c'est pas à la faveur de l'équipe qui perd. Puis on a réussi cette portion-là, en plus de réussir les deux points, là, les deux points de conversion qu'on avait besoin pour aller égaliser le match. Ouais. Et ça aussi, c'est très difficile pour un coordinateur à l'attaque. Et ce que j'ai aimé, c'est le comportement de Vernon Adams, la façon dont il a mené cette attaque-là, la façon qu'il a distribué le ballon. Et on est en train de voir un corps qui se développe comme un vrai battant. Puis c'est ce que les Alouettes ont besoin. Taylor Loeffler, qui est saison terminée, c'est une très lourde perte par contre. Ah ben ça c'est une très mauvaise nouvelle pour les Alouettes, effectivement. Ouais. Pendant son absence, il faut se souvenir que ça l'avait paru parce qu'il a manqué des matchs. Il a manqué deux matchs, si je ne me trompe pas, en début de saison, Taylor, puis ça l'a paru au niveau défensif. Donc bon, la bonne nouvelle du côté des Alouettes, c'est qu'on a trouvé peut-être un remplaçant autre que celui qui l'avait remplacé lors de sa première absence. Mais c'est un Américain, ça, donc. C'est selon moi le noyau défensif là, avec Enoch comme secondaire, c'était Taylor. Puis là, ben on perd cette pièce-là. Ça peut faire mal défensivement aux Alouettes. Pascal, t'as souvent le goût de te battre pour un carrière. Hein? Johnny Mandur, je suis pas sûr que les joueurs l'année passée avaient le goût de se battre pour ce carrière-là. Vernon Adams, j'ai l'impression qu'il y a ce leadership-là cette année. Ben, il y a ce leadership-là, il l'a gagné aussi, leadership-là. Ouais. Parce que s'il avait voulu arriver dès le début du camp avec une espèce de leadership, tout le monde, tu sais, au football, un peu pareil comme dans la vraie vie, tu dois gagner le respect des gens. Ouais. Et il a réussi à gagner le respect de ses coéquipiers petit à petit, même malgré dans la défaite, il réussissait à gagner le respect de ses coéquipiers puis à vouloir se battre pour lui, éventuellement. En allant gagner des matchs, un, deux, un troisième de suite, gagner. Là, l'équipe est derrière lui et ça paraît. Oui. Pascal, c'était pour ça, c'est cette semaine que j'avais hâte de te parler plus davantage. Parce que tu es directeur d'école aussi, dans la région de Québec. Tu étais capable facilement de comprendre ce que les gens peuvent savoir. Tu étais également. Et comment ils ont réagi du côté du cégep de Jonquière? Tu es également coach de football actuellement aussi, donc, et tu es aussi un ancien joueur de football. Donc, tu en as fait des initiations de football, tu en as subi des initiations également. En 2019, est-ce que c'est dépassé les initiations dans les clubs de football? Ben, en fait, je crois que le terme initiation n'est pas nécessairement le bon terme à employer maintenant en 2019. On peut parler d'une activité d'intégration pour les joueurs recrues, un party de fin de camp. Oui, ça, tu sais, c'est encore là. Il peut y avoir des activités prévues à l'attention des recrues juste pour le plaisir, mais c'est sûr que de la façon dont les initiations doivent se faire aujourd'hui, si on emploie ce terme-là, doivent être complètement différentes de par le passé. Oui, on en a fait des niaiseries, étant jeune, les années ont changé et il y a des choses qui ne sont plus acceptables en 2019. Et c'est un peu dans la situation dont se retrouve le cégep de Jonquière en ce moment. Mais Pascal, est-ce que ça a fait oui, de toi... Et c'est pour ça cette question-là, là, OK? Moi, tu connais ma position, je l'ai très bien expliqué. Ça a-tu fait de toi un mauvais citoyen? Parce que t'as fait ces niaiseries-là. Pas sûr, parce que t'es un maudit bon Jack. T'es un directeur d'école, donc tu dois être quelqu'un de très convenable. T'es coach de football, t'es commentateur à RDS. Écoute, là, il y a personne de mort, là. Non, je dis pas que ce qui est arrivé, c'est la fin du monde. Cependant, comme direction d'école, tu te dois de faire respecter une certaine image, etc. Il faut comprendre aussi qu'il y a une politique qui a été... qui a été imposée par le ministère, une politique dans toutes les institutions scolaires. Cette politique-là, c'est à contrer les gestes à caractère sexuel. Donc, le ministère s'ajuste aussi en ce moment avec tout ce qui se passe au niveau de la société pour essayer de d'encadrer ce qui ne l'était pas par le passé. Et quand tu es un directeur d'école, un directeur général, un responsable d'institution, tu mets des règles dans un cadre et tu te dois d'être conséquent face à ce que tu as implanté dans ton institution. Ceci dit, il n'y a personne qui est à l'abri de ce genre de situation-là. Mais... comme entraîneur, là, tu sais, je te parle, Danny, d'un côté plus de gestionnaire, de directeur, mais comme entraîneur, je suis persuadé que les entraîneurs des Gaillards n'ont pas dit à leurs jeunes, hey, faites l'initiation comme ça, ça va être le fun, ça va être drôle. Probablement que les entraîneurs les ont aussi mis en garde. C'est ce qu'on fait comme entraîneur. On va leur dire, hey, les gars, vous allez faire de quoi ce soir? Ce que je veux, surtout, c'est de ne pas m'entendre parler. Donc, c'est un peu la règle que tu demandes à tes vétérans. Donc, c'est sûr que d'aller se promener flambant nu sur le campus, de ce que j'ai compris, n'était peut-être pas la meilleure idée. Mais c'est des jeunes. Les jeunes qui ont pris une mauvaise décision. Et puis là, ils en subissent les conséquences qui sont, oui, quand même assez importantes. Mais moi, là, dans ce dossier-là, c'est clair que on mettra pas personne en dessous de l'autobus. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Sauf que je comprends également le côté de la direction qui se doit d'être conséquent par rapport à justement les politiques qui ont dû être mises en place en lien avec la réalité 2019. Et c'est tout ça là qu'on se doit de réfléchir aussi comme citoyen. Mais Pascal, est-ce que vous les... J'ai posé la question au directeur du Cégep de Jonquière hier. Est-ce que vous mettez en garde les jeunes sur les médias sociaux? Parce que dans cette histoire-là, je suis convaincu que si ça se ramasse pas sur les médias sociaux, on n'entend même pas parler. Ah, ben maintenant, ça, c'est la grosse problématique des médias sociaux. C'est qu'une petite nouvelle qui se passe n'importe où va devenir une nouvelle provinciale pour ceux qui le veulent bien, tu sais. Ceux qui voulaient, là, justement, là, mettre de l'avant cette nouvelle-là parce que pour eux, c'est inconcevable ou parce que x, y raison, ils vont poster l'article, ils vont la commenter. Là, ça va faire un effet un peu boule de neige. C'est pour ça que pour moi, je prends cette nouvelle-là, puis tu me l'as annoncé, je l'avais pas nécessairement vu encore quand tu m'en as parlé hors d'onde, mais je veux dire, là, c'est les médias qui ont partagé une nouvelle. Il y a toujours deux côtés à une histoire, et je pense pas que la place publique, là, les médias sont la place pour justement gérer ce genre de situation-là. Et que là, quand une situation de la sorte arrive, ben là, on va juger la direction. Hey, je peux pas croire que la direction font ça des jeunes. Là, on va juger l'entraîneur. Ben voyons, qu'est-ce qu'il a fait l'entraîneur? Là, on va juger les jeunes. Et tu sais, ça, selon moi, ça n'a pas nécessairement sa place parce qu'on ne sait pas exactement comment tout ça s'est passé. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que je suis convaincu que du côté de l'équipe d'entraîneurs de Jonquière, on a probablement fait ce qu'il fallait faire. Et là, on vit une situation désagréable. Et même chose du côté de la direction. Et là, en ce moment, eux, ils ont mis en place la réaction face à ce qui est arrivé, là. Pascal, donc c'est ce qui m'avait fait au Gaillard de Jonquière, cette histoire-là. J'avais tellement hâte d'avoir de tes nouvelles parce que tu es directeur d'école, donc tu connais les deux côtés de la médaille, ce qui s'est passé, puis j'avais hâte de savoir ça. Pascal, je vais terminer avec un match qui a eu lieu hier dans la NFL à Winnipeg. 21 882 spectateurs étaient au match entre les Raiders et les Packers. Comment tu trouves ça, toi? Ben là, c'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé avec ce match-là, là, je suis un peu gêné parce Tu que. sais, ouais, c'est ça. Mais parce qu'il me semble, de un, Winnipeg, ça n'aurait pas été la destination Ben pour non. moi rêver pour mettre un match de la NFL. D'un, parce que si on parle d'un petit réseau qui a déjà une équipe professionnelle, à la limite, Toronto-Montréal, on parle d'une grosse ville. Vancouver, à la Sinon, limite. les Maritimes auraient peut-être pu être intéressants, une place qui n'a pas de football, qu'on veut. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle, là. Ceci dit, bon, la gestion du terrain, les poteaux des buts, on a enlevé le poteau à la dernière seconde, il y a un trou dans le terrain, on ratisse le terrain. Ça C'est fait sûr pas que ça l'a. sérieux, ça fait pas sérieux. Puis moi, je veux te dire une affaire, la NFL, il y a du monde qui ont dit, ouais, mais c'était qu'un match pré-saison, ils ont changé un prix de fou. Mais ça fait pas sérieux pareil. La NFL, je sais pas. Hein? Tu sais, je suis pas sûr qu'ils vont revenir au J'ai trouvé que Canada, ça n'a pas là. fait sérieux, ça n'a pas fait sérieux de la part. De la ville qui ont accueilli le match et de la part de la Ligue, de la NFL, qui sont allés là. Là, encore une fois, on ne sait pas nécessairement tout comment ça s'est passé, mais non, ça n'a pas eu de l'air. Ça a fait un peu la Ligue de garage, là, si tu me permets l'expression. Et je trouve ça désolant parce que on aime ça, recevoir la NFL au Canada, et j'espère qu'on ne s'arrêtera pas là-dessus, là. Ben non, mais est-ce que toi, t'as joué à Calgary, donc tu connais un petit peu ce qui se passe dans l'Ouest. Y a-tu cette rivalité-là? Parce qu'ici, au Canada, là, il n'y a pas moyen de parler de la Ligue canadienne et de la NFL quoi, pour comparer, et sans comparer les deux ligues. Puis moi, je trouve tellement. On en a parlé, je sais pas, en dehors des ondes ou en ondes. Un gars qui aime le football tout court devrait aimer les deux ligues sans comparer les deux ligues. Mais puis, coudonc, c'est une affaire qui se fait pareil, là, mais on ne peut pas empêcher ça. Mais dans l'Ouest du pays, est-ce que les gens aiment. Oh, je sais qu'ils sont plus attachés au football canadien que nous dans l'Est, mais est-ce qu'il y a cette rivalité-là qu'on retrouve autant? Puis est-ce qu'on aurait snobé Ben, ça, Winnipeg? en Ouais. fait, dans l'Ouest canadien, tu as raison que le sentiment d'appartenance est très bien établi, là, que ce soit au niveau des Stampeders, des Rough Riders ou des Blue Bombers. Ouais. Bon, j'ai pas fait toutes les équipes là, tu sais, comme joueur professionnel, mais ça c'est vrai ce que tu dis, que le sentiment d'appartenance des personnes habitant ces provinces-là, ces villes-là, est très fort. Mais je crois qu'il y a pas une rivalité. Je pense que il y a des fans, il y aura toujours des fans que de la NFL, puis d'autres qui vont être fans de leur équipe, de leur ville. Donc, je pense pas que c'est différent qu'au Québec ou que dans l'Est. OK. Ben, Pascal, gros merci. On s'en parle pour parler des Alouettes qui sont à Toronto en fin de semaine. Et le match est lui Merci, à Danny. Moncton. Donc, Pascal Masson, notre collaborateur des Alouettes.